Chapitre 2. Quelques-unes des causes de la persécution de Taiko-sama. Les commencements de son règne furent assez paisibles et même favorables aux chrétiens, trop puissants pour les irriter dans les commencements d'une puissance usurpée et mal affermie. Il voyait presque tous les grands officiers de l'Empire ou chrétiens déclarés ou protecteurs des chrétiens. Osaka et Sakai, les deux villes dont la conservation lui importait davantage, avaient l'une un gouverneur chrétien et l'autre un infidèle dont le nouvel empereur lui-même fut obligé de se défaire et qu'il crut ne pouvoir mieux remplacer que par le chrétien Joachim Ryuza, d'une valeur à toute épreuve. L'homme de l'Empire qui importait le plus à la sûreté de sa personne, Ukon Dono, premier capitaine des gardes, le colonel général de la cavalerie, le grand amiral, le premier secrétaire d'État, le grand trésorier, l'intrépide vice-roi de Bohari, et quantité d'autres seigneurs également distingués par leurs mérites et par leurs emplois, étaient tous adorateurs sincères du vrai Dieu, et plusieurs méritaient mieux le nom d'apôtre que celui de simple fidèle. Ils étaient d'ailleurs en si haute considération dans l'Empire qu'on pouvait mettre en doute s'ils avaient plus d'obligations au nouvel empereur de ce qu'il les avait confirmés dans leurs emplois qu'il ne leur en avait lui-même de ce qu'il les avait acceptés. Il paraît néanmoins que Taiko-sama, ombrageux comme tous les tyrans, et surtout à l'égard des chrétiens rigides observateurs du droit de majesté et de tous les principes de l'équité, ne prit jamais en eux une entière confiance. D'autant mieux que le premier capitaine des gardes, généralissime des armées et le plus accrédité des seigneurs chrétiens, s'était d'abord déclaré pour un fils de l'empereur défunt et l'avait soutenu jusqu'à ce que ce jeune prince eût lui-même ruiné ses affaires. Un autre germe de l'antipathie de Taiko-sama pour les chastes adorateurs du dieu fils d'une vierge, c'était les mœurs de ce prince, le plus incontinent des idolâtres même. En suivant le plan de son prédécesseur, qui s'était proposé de subjuguer tous les rois du Japon, il ne se bornait point à conquérir des royaumes, mais il faisait enlever sur son passage les filles et les femmes qui se faisaient remarquer le plus par les grâces de la nature. Un de ses favoris, nommé Jacqueline Tokun, qui de bons était devenu recruteur du sérail, s'acquittait si bien de ce ministère infâme qu'il s'était rendu la terreur de toutes les femmes à qui l'honneur était cher. Comme il accompagnait l'empereur sous la frontière du royaume d'Arima, vanté pour la beauté du sang, il ne laissa point échapper une occasion si avantageuse de faire la cour. Mais tout le pays était chrétien, et la jeunesse encore plus chaste que brillante. Le ravisseur impur y fut si mal reçu qu'il s'estima heureux de s'en tirer la vie sauve. Furieux de ce traitement, il arriva fort tard auprès de Taiko-sama, qui était en débauche, et qui, la tête échauffée par le vin, jura de faire décapiter toutes les femmes d'Arima. Tous ses compagnons de débauche, idolâtres vicieux qui ne pouvaient souffrir une religion si contraire à leurs penchants, profitèrent de l'occasion pour exciter le prince à se déclarer une bonne fois contre les chrétiens qui résistaient ainsi à ses volontés, et qui, pour peu qu'il différât, lui ajoutèrent-ils, ne lui laisserait par leur multiplication rapide aucune autorité dans l'Empire. Tokun l'anima particulièrement contre le généralissime Ukon Dono, qui faisait le principal appui de la foi et ne manqua pas de rendre sa fidélité suspecte. Il vint à bout de faire prendre à l'empereur une résolution extrême contre toutes les règles même de la prudence. Ukon Dono fut exilé et peu après, tous les missionnaires eurent ordre de sortir du Japon. Le généralissime était campé à quelque distance de la cour, avec l'armée impériale dont il avait l'estime et l'affection, quand on vint lui déclarer de la part de l'empereur qu'il choisit ou d'abjurer le christianisme sur le champ ou de partir pour l'exil. La mort, pour les Japonais en général, est un moindre mal que le déshonneur, et le brave Ukon Dono avait montré 100 fois, au fort de la mêlée, combien il préférait la gloire à la vie. Mais Ukon Dono savait vaincre et non pas se révolter. Il s'interdit jusqu'à examen des droits plus qu'équivoques de Taiko-sama au trône. Et, partant du grand principe de la tranquillité publique, il sacrifia tous ses intérêts au repos de l'État. Il répondit qu'il ne balançait point à choisir l'exil, qu'il choisirait de même la mort la plus cruelle, plutôt que de manquer à la fidélité qu'il devait à son Dieu. Il partit aussitôt après pour l'exil, qui porte un caractère tout particulier au Japon, où cette flétrissure abhorrée dévoue en quelque sorte à la malédiction publique. En sorte que l'exilé, mort civilement et banni de toute société, est réduit à chercher sa retraite dans les déserts et dans les forêts. Mais l'exil d'Ukon Dono ne lui attira que de la vénération et un redoublement de tendresse, non seulement de la part de sa religieuse famille, charmée d'acquérir un confesseur de Jésus-Christ, mais de tous les vassaux de cette illustre maison et d'une multitude d'officiers qui avaient servi sous lui et sous son père. Tous aimèrent mieux abandonner leurs biens et leurs états que de manquer à ceux qui jugèrent que l'honneur et la religion exigeaient d'eux. L'injustice de Taiko-sama révolta jusqu'aux infidèles. Le propre frère de ce prince et quantité d'autres seigneurs idolâtres comblèrent d'éloges le courage du confesseur et lui firent 1000 offres de service. L'empereur parut se repentir lui-même de son premier emportement et généralement de tout ce qu'il avait ordonné contre les chrétiens. Un jour même qu'il s'entretenait sur la religion avec une dame de la cour qu'il savait chrétienne, il lui échappa de dire qu'il avait été un peu vite à ce sujet. Un malheureux pilote espagnol ruina tout à coup par l'imprudence de ses rodomontades les espérances que ce changement de disposition faisait renaître. Cet homme obscur, dont on ignore le nom, étant accusé de piraterie, et son navire au moment d'être confisqué, crut intimider les Japonais par un vain étalage de la puissance du roi catholique. Il leur dit que le soleil ne se couchait jamais sur les états du roi son maître, étendu dans les 4 parties du monde, que ce monarque possédait lui seul la meilleure partie des 2 hémisphères. Et, apercevant une map monde dans la salle où sa vanité s'exaltait, il promena les yeux de ceux qui étaient présents sur le continent immense des grandes Indes, sur les îles sans nombre qui le bordent depuis l'Afrique jusqu'aux Philippines, sur quantité de places dans l'Afrique même, sur les 2/3 de l'Amérique, et généralement sur tout ce qui appartenait au roi d'Espagne dans les 4 parties du monde. Les Japonais, vraiment étonnés à la vue d'une pareille monarchie, demandèrent par quels moyens on avait pu réussir à la former, le Castillan voulant leur faire entendre qu'il n'était point à l'abri des entreprises ou du ressentiment du roi son maître. « Il n'est rien de plus simple, répliqua-t-il, pour conquérir un pays, il nous suffit que nos prêtres y aient une fois le pied. Ils instruisent les peuples dans notre religion, et quand ils en ont gagné un certain nombre, on envoie des troupes, qui, soutenues de ces nouveaux chrétiens, réduisent aisément le reste. » Ces propos rapportés à Taiko-sama et rapprochés des invasions journalières, tant des Portugais que des Espagnols, en particulier des préparatifs qu'ils faisaient alors contre la grande île de Mindanao, très connue des Japonais. Toutes ces appréhensions jointes à la terreur générale que les grands vaisseaux d'Europe répandaient sur toutes les mers de l'Orient, décidèrent sur le champ un prince aussi violent qu'ombrageux. Il confisqua le navire, fit chasser du Japon le pilote et tout l'équipage, et ordonna d'arrêter les missionnaires, d'abord à Meako et à Osaka, les 2 villes principales de l'Empire.